Vois tes filles, cent fois le même crime, le même sein, un travail seul, un place et gens, dernier fauteuil, au premier rang, un pas d'amour, ce grand écran. La nuit, le jour, seul ou perdu vent, elle vit comme ça. L'amour des autres n'est quelquefois qu'une image qui trompe. Elle s'habille dans le noir, visage pour toujours elle. Son désespoir. Oh, magie, boulevard. Màn đêm xuống dần, một mình đơn côi, bước chân rã rời, đôi tay buốt ra, thoáng xa tiên đàn, kỷ niệm đâu đây, nhắc anh nhớ. Dì vãng hôm nào, hỡi hỡi người tình đã đi xa. Trong đời ngày vui năm ấy, có còn là gì cho nhau? Bao mơ mộng còn đâu? Laisse tranquille les amoureux. Qui raque fine, en fermant les yeux, devant ses glaces, avec ses rêves, un sourire passe au bord de ses lèvres. Elle s'habille dans le noir, visage pour toujours elle. Son désespoir. Oh, magique boulevard. Đèn đêm đã tàn, còn lại mình anh. Có ai biết rằng sau lưng tiếng hát, trái tim mùa sầu, nụ cười đơn côi, không ai bước vội phố vắng thênh thang.